L'éthylotest permet de détecter l'alcool dans l'air expiré et un éthylomètre d'en mesurer la concentration qui a quasiment la même précision qu'une prise de sang. L'éthylotest ne détecte pas le cannabis ou d'autres drogues. Pour cela, les forces de l'ordre utilisent des tests salivaires ou obligent à des analyses d'urine et c'est une prise de sang qui confirme le résultat. Réponse B.